T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique. Sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi. Avec Félix et So, faire sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami. Sur un jet ski sans débardeur. Non t'aimes, c'est si t'aimes, je vais te faire. La com est parfaite pour décevoir ses frères. Je me donne un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas tout le monde si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue. Dans toute ma vie, mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour le fils de pute, elle est donneur d'ego. Je pense à mes robes, toujours en cash. C'est beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on est que les barrages. Ton pote, le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, va bon massage, aborde la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Mais c'est fait tout, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de putain sucé. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Je compte à de vrais tueurs, toi-même tu sais. Demande-leur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais quand t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Toto à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas de Stringles. T'inquiète mon frère, je suis toujours le même. Calibré comme un Ingle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécane, photo, bamo. Je te laisse sortir devant chez toi. T'es mort dans la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violets. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi ces talons, je vais la démonter. Je suis parti pour tout baiser, les chars, les chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sur mes gros Corleone, frère. Comme Cara, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, je suis steppy. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. Là, tu saisis, nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter, y'a mon album qui va sortir. Mon dame est con, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on ne plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas. Fusil à lunettes, bim bim dans la tête, frère. Merci du soutien, que des vrais. C'est extrait de l'album Corleone, le morceau Bracelet à l'instant avec Lacrim, notre invité. Lacrim en showcase aussi près de chez vous le 6 septembre ce week-end, la samedi du côté de Perpignan au Purple, le 12 septembre à Liège, le 13 septembre à Mons en Belgique, le 26 septembre à Lyon, 4 octobre à Arles aussi, ouais. Au Palm Beach pour retrouver Lacrim. Donc là c'est configuration showcase. Hein. Ouais. Tu conserves quelques morceaux, tu fais quoi, des morceaux de Corleone, je suppose. Ouais, ouais, je fais tous les morceaux qui sont sortis, je veux dire avant la sortie de l'album. Là j'en donne 2-3 en plus. Et des morceaux qui ont marqué aussi avant. Très bien. Et le live, la tournée, La tournée concert, ça va être pour plus tard. Mais on va la pour faire plus tard, ouais. Quelque chose auquel tu penses aussi, sur lequel tu travailles. Bien sûr. C'est la scène, c'est... Déjà quand je vais faire des showcases, l'échange avec le public, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, c'est un côté de la musique auquel je découvre, et tu vois. C'est quoi, vraiment... tu prends du plaisir en studio mais sur scène aussi, c'est... Bien sûr. En fait, en studio, je prends du plaisir à être seul en autarcie avec mon équipe pour pondre un morceau, et après c'est le faire partager au public. Tu vois, la deuxième phase elle est là. Est-ce que justement quand on enregistre, il y a des morceaux tu dis tiens celui-ci je le fais pour la scène plus, enfin est-ce que tu penses à ça? Ouais, bien sûr. Il y a des... là sur cet album notamment, par exemple sur le Glock. Ça c'est un truc, ouais, tu te vois d'entrée de jeu le faire en entrée de concert. Ouais, et c'est incroyable, si je le fais, c'est le premier morceau. Je vois direct que ça met les gens dans l'ambiance. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Et ça c'est un truc auquel tu pensais justement, ouais, quand tu préparais l'album. Moi, ouais. Tu vois, c'est des trucs, des gimmicks. Par exemple, il y a des blocs de con, mais à la fin, Bastos dans la mer, la frappe. Je crois qu'il y avait Belek et Cor. Et il me disait, franchement, ça peut faire un truc bien. Allez, viens, on essaye. Je vais en concert, je le chante pas. C'est eux. Et tu vois, c'est, voilà. Et ben voilà, maintenant ça prend vie sur scène. À mort. Après avoir pris vie dans les bacs depuis lundi 1er septembre est sorti l'album de Lacrim, Corleone. Ouais. Et bah tiens, si on mettait d'ailleurs l'intro de cet album Corleone maintenant. Ouais. On balance ? Bah ouais. C'est ah, Woz, comme tu veux, je sais pas, on avait dit un des deux. Bah, mais commence par Corleone et on met Woz juste après. Et bah, Woz juste après. Corleone pour débuter, extrait de l'album de La Crime qui est dans les bacs. La Crime. Corps. Corps, fusil à lunettes. Tu fais des sous, t'as pas capot. C'est que t'es comme moi. C'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, de l'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi, là ouais. Le jour, la veille de ma paye. Je dors pas, l'ivresse, la faim. Des billets, de mon repas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la mise, tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça et des médis, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Me reposer. Mon frère t'a fait la nuit, le dos cassé. Le dos cassé. Combien dans ta ville ont fini bandit? À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Bang, bang. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer. On est quelle heure vie en tôle, mon gros. Avec la faim, je suis parti de rien. Je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un coup de la caisse, qu'a tout niqué pour gratter sa pièce, frérot. 9-4, you know how we do. Ça braque, ça vend de la drogue. Tout fait pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout, y'a rien dans mon assiette. Donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou, adolescent, nous prenions que des lards. Fais du mal, déçu ma mère, amour venu d'ailleurs. Des fils et mitrailleurs, t'es là pour toucher tous les gars. T'es là pour tout perdre, je suis qu'un parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Ah ouais, c'est trop. Mets-le dans la voiture. Mets-le dans la chaîne fille. Écoute le sub. C'est incroyable. C'est les Américains. C'est les Américains, ils font ça. Corps, fusil à lunettes. Pim, pim, pim. Le morceau, c'est Corleone. C'est aussi l'intro de l'album Corps qui nous a rejoint, qui est de retour depuis hier. Ouais. Il est passé dans l'émission entre 20 et 21. Ouais. Je vais chercher la partie au studio, je le trouve. Et ben voilà, il est là. Au cours, les gars. Petit, je t'ai pas parlé hier, on n'a pas parlé de ça. Bah, bienvenue déjà, Corps, ça va en pleine forme? Ça va, impec. Tout se passe bien. Ouais. On a pas parlé hier de ce morceau Corleone. Toi, t'as un souvenir précis en tête quand vous enregistrez ce morceau ou pas? Le souvenir que j'ai en tête, c'est la rapidité où on l'a fait, en fait. Ouais. Parce que, en gros, quand on... C'est pas un album où on a maquetté un milliard de titres, tu vois, comme ce qu'il me disait, ouais, beaucoup peuvent le faire. Ouais. Mais en fait, si tu veux, on était tellement dans le geste simple, tu vois, et la précision sur chaque morceau. Et on écoutait plein de sons, plein de trucs et tout. Et voilà, j'ai dit à Karim, je pense qu'il nous manque un truc un peu chanté, mais tu sais, mais la misère, quoi, tu vois. C'est vraiment un morceau où ça sort des tripes. Il n'y avait pas encore de morceau qui s'appelait Corleone sur l'album. Il y avait pas. Toi, t'avais le nom de l'album pourtant en tête. Exactement. Ouais. Et en plus, on n'avait pas d'intro sur l'album. Mmh. Au moment où on se l'était dit, on n'avait pas d'intro. Exactement. Et moi, si tu veux, dans la manière dont j'ai réalisé cet album, c'était important, tu sais, de à chaque fois de garder du recul par rapport à l'artiste, tu vois, et d'être là à sa disposition, tu vois, sur ce que lui voyait, tout ça et tout. Et voilà, j'ai taffé le son. On a eu l'idée la veille, hein, Karim, ouais. C'est ça, hein. Le matin, je suis arrivé, je suis sorti de chez moi avec le bracelet, j'arrive au studio, il y a la prod. J'écoute, je tombe par terre. Mais le soir, le morceau était fini. Ouais, le morceau était fini. Et en fait, c'est un truc de ouf. Donc là, de l'écouter maintenant, fini dans les bacs, voilà, lâché à tout le monde, parce que c'est aussi un morceau qui est, voilà, qui vous appartient plus uniquement à vous, qui est, exactement, qui appartient à plein de gens en même temps, ouais. Mais en fait, c'est la magie de notre boulot, ouais, du notre taf. Boulot, quoi, tu vois, de voir un peu, c'est comme un chef étoilé, tu sais, il est dans sa cuisine. Il a imaginé son petit truc et il regarde juste. Nous, on peut pas le faire parce qu'on a que des commentaires, tu vois. Mais de visu, c'est toujours super agréable, tu vois, de voir un peu comment la personne, tu vois, s'accaparer le titre, comment, tu vois ce que je veux dire. Je le joue en concert, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, pourtant, c'est pas, voilà, c'est un morceau, c'est une intro, c'est pas un morceau forcément où il y a un refrain, où il y a, voilà. Les gens pensent que quand c'est le vocodeur, là, ils pensent que c'est un refrain. Alors que c'est pas du tout un refrain, c'est une intro, c'est, voilà. Bon bah il y a plein d'autres morceaux aussi hein, qui ouvrent ça c'est le titre qui ouvre. Ouais. J'en parlais avant-hier. Ouais, il en a parlé lundi. J'en parlais avant-hier par rapport au morceau de Lilderk. Ouais. Tu vois, j'ai expliqué que tu vois on s'ouvre, tu vois. C'est et quand les gens ils parlent de vocodeur, ils croient forcément tu sais commercial, tu vois. En fait, c'est le vocodeur dans mes propos, tu vois, seulement on sait pas chanter, poto. On sait pas chanter. À un moment, on fait des morceaux durs un peu, c'est linéaire, c'est tout le temps la même chose. Là, c'est ce qu'on appelle de la réalisation, c'est qu'un morceau il est construit, voilà. Il a un sens, tu vois. Après, le vocodeur, tu sais, c'est comment ce qu'on appelle vocodeur, c'est quoi l'auto-tune? Non, mais en fait, machin, je vais donner un exemple d'une autre manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, c'est d'abord c'est pas le vocodeur, c'est de l'autotune. Ouais, l'autotune, tu vois. À la base, c'est un truc pour corriger un petit peu les voix et tout, bref. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement un faux débat, si tu veux. C'est comme si, tu sais, tu vas prendre un taxi, ok? Et que, en fait, tu montes dans le taxi et pour toi, t'es habitué à ce que le taxi conduise avec des une boîte de vitesse normale. Mmh. Et là, en fait, il a une boîte auto. Mmh. Et tu dis non, je monte pas. Non, je monte pas parce que c'est du vocodeur, tu sais, c'est une boîte auto, ça n'a pas de sens, il va t'emmener à ta destination et là où tu dois aller. Après, si t'es, comme le taxi, si t'es bien conduit, que tout se passe bien, peu importe, que ce soit automatique ou pas. Mais après, comme le son, si le son est bon et s'il glisse, voilà. Voilà, exactement. Il y a des choses qui s'y prêtent, comme le titre Mon frère que je vais faire en live. Quand sur le troisième couplet, il y a un pont, il y a le couplet qui redémarre, ça semble évident qu'il y a un passage avec de l'autotune pour que ça redémarre fort derrière avec ma voix intense. Ça donne un morceau incroyable. Bon, ouais, en tout cas, il a été fait aussi comme ça, l'album, voilà, mais comme dans tous les albums, il y a toujours, à chaque fois, une époque, t'avais de la reverb, fallait mettre de la reverb, t'as toujours eu des sons qui correspondent à une époque, donc là, en l'occurrence, c'est aussi l'autotune qui permet d'apporter, voilà, pour le coup, une couleur musicale, d'apporter une particularité à chaque morceau. Mais en plus, si tu veux, l'autotune, bon là, c'est un peu plus technique, mais tu vois, même en termes d'arrangement sur un morceau, quand Lacrim il va poser sa voix, tu vois, avec l'autotune, bah moi ça va me donner d'autres idées d'arrangement, tu vois, sur l'instru, parce que t'entends d'autres fréquences, t'entends d'autres choix de réal, de trucs, de délai, de, tu vois, enfin bref. Ça a été du boulot, mec. Voilà, ça a été du taf. Ça a été du taf. Et le taf, en tout cas, là, ça paye. La preuve numéro 1 des fonds. C'est l'album de Lacrim, mec. C'est l'album de Lacrim qui est dans les bacs depuis lundi. On va mettre un autre morceau, on a eu Oz. C'est ça, on va mettre Tu nous l'as fait en live lundi soir. Ouais. Ça, c'est un des gros morceaux de l'album aussi. Ouais. C'est, pour moi, le Oz et Lilderk, c'est un morceau référence. Je suis qu'un thug aussi, je kiffe de ouf. Mais ces trois morceaux, tu vois, ces deux morceaux, c'est vraiment. Et ben, on l'écoute maintenant, Oz, extrait de ton album qui est dans les bacs. Allez. Alors les détenus, c'est comment ils ont pris là? Hein? Le moins j'y l'ai prêt? Momo Kung Fu. Aïe. Arrivant, isolé, quel mauvais temps. Je m'étais dit ça plus jamais, les parloirs et les rages dedans. La canicule assèche les fleurs, bah moi la tôle, noircit mon âme. Juste une petite trêve, j'dors plus, j'traîne, j'fais plus de rêve, laissez mon cœur en grève, gros. Wesh Lacrim, comment ça va? T'inquiète mon frère, la téléphone, la bloc de shit. J'm'occupe de toi, j'pense à ma famille que j'ai laissée. Ma mère doit péter les plombs. Pour toutes ces galères là, j'voudrais vous demander pardon. Si tu viens me voir, retiens tes larmes. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien, j'fais sur un pied. Ma vérité, j'suis dégoûté. Voir grandir un peu mon fils. J'pense à mes potes encore là-bas. Eh ouais, les frérots à l'huile, j'vous oublie pas. Frère, on va délover. On tombe et on sait se relever. J'arrive au bâtiment B. J'ai les potes donc je vais au B. Ouais, corps frère et mon U. Envoie de la prod, je les tue. Je venais à peine de signer. C'est pas comme ça que je vais me réinsérer. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Ma dignité vaut-elle de la merde? Aurais-je le cran de leur faire la guerre? aurais-je le temps de voir toute la terre? Mais tout fait de haine, c'est tout ce qu'ils veulent. J'ai trop fait de peine à tous ceux que j'aime. À l'intérieur, c'est comme dans la tête. Faut se débrouiller pour se faire sa place. Dans les salles d'attente, les cours de promenade, les jours de mi-tard, les affaires en plus. L'attente d'un courrier, des fouilles au parloir. Ta femme qu'on peut plus, ta mère qui fatigue de trop. Madame la juge, on est fière. Fait de sang et de chair. Vos peines planchées n'ont qu'un seul but, faire pleurer nos mères. Si tu viens me voir, retiens tes larmes. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien. Je vais sur un pied. Mon vérité, je suis dégoûté. Je veux juste être libre. Voir grandir. J'avoue. Un peu mon fils. J'avoue. Je pense à mes potes. J'avoue. Encore là-bas. J'avoue. Le cœur serré. Je vous oublie pas. Tu prends des risques. A tous les mecs qu'on ont pris, qu'on reçu le CD. Tu veux pas qui soutiennent. Toi, tu et qui ont du soutien grâce à ma musique. Lune, bâtiment B, frère. Sur écoute. On est là, on soutient. Un jour, tu te ça sort de là, frère. Écoute la boucle. Regarde le coucher de soleil. Fume ton petit ouange. Pense à dehors. Bientôt, frère. J'avoue. Voir grandir. J'avoue. Un peu mon fils. J'avoue. J'pense à mes potes. J'avoue. Encore là-bas. J'avoue. Le cœur serré. J'avoue. J'vous oublie pas. Ose, frère. Le morceau s'appelle Ose. Ouais. Il est sur l'album Corleone de la Crime qu'on découvre depuis, bah, depuis la semaine dernière, entre 20h et 21h. Dans un instant, on va revenir aussi avec Dotit. Est-ce qu'on mettra d'ailleurs le morceau avec Lil Durk? Tiens. Ouais, franchement, c'est logique. Mmh. Tu vois, au même titre que j'arrive tous les jours et tu mets bracelet. Bah, très bien, donc on fait pas ça. Voilà. Morceau avec Lil Durk, grosse collaboration aussi. Hein, ouais. Core sur cet album, la rencontre avec French Montana et Lil Durk aussi. Qui sont deux gros featuring, ouais. Et qui font partie de cette nouvelle génération aussi, que ce soit French Montana ou Lil Durk. Ouais, il y a une génération assez prolifique, tu vois, en ce moment, que ce soit à Chicago, Atlanta, il se passe des bons trucs, c'est cool. Et bon, même à New York maintenant avec Bobby Shmurda qui revient. Toi, tu bosses avec eux un peu, non? Ouais. Tu fais des prods en ce moment pour les carrés. Ouais, ouais, il fait tout. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai l'air installé. Comme on se l'était dit hier. Comme on se l'est dit hier. Et comme on pourra se le dire peut-être demain si tu reviens demain. Entre 20 et 21. Non, gros morceau, grosse prod de Belek. On a déjà. Et petite question maintenant pour repartir avec la box collector de la Crime, avec le t-shirt et l'album qui va avec aussi évidemment, une box qui n'est disponible qu'à la Fnac. Ouais, à la Fnac. Et dépêchez-vous, je sais pas s'il en reste d'ailleurs beaucoup, il faut speeder pour les récupérer. Mais moi je sais pas. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Ouais. Donc pour repartir avec gratos un message au 41759 avec la bonne réponse, c'est sur quel... Qu'est-ce qu'il y a, Belek? Tu veux intervenir, répondre peut-être à la question que j'ai posée? La question est la suivante. Belek disait qu'il n'avait pas fait exprès quand il a fait la prod avec Lil Durk, qu'il n'a pas fait exprès. Ah, il n'a pas fait exprès. Ouais. Sur quel label est signé la Crime? Label mythique, on peut le dire. Ouais. Allez-y. Ouais. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. C'est pas une marque de riz. Hein. Non, c'est vrai. Bougez pas, dans un instant, on revient. Qu'est-ce qu'on balancera? On fait pas ça avec Leader, qui aura aussi le pocket coffee à passer. Ouais, on va mettre le pocket coffee. Le live de mon frère que tu nous feras. Ouais, ouais. Et puis vous aussi en freestyle par téléphone, bougez pas, c'est après ça. Comme toi, la Crime a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap consacré à la Crime, notre invité toute la semaine encore entre 20 et 21. L'album est dans les bacs, l'album cartonne, il s'appelle Corleone. Et petite question pour repartir avec l'album justement, c'est pour vous. J'ai posé une question il y a quelques minutes, sur quel label mythique est signé la Crime? Il s'agit de... Def Jam, évidemment. Bien évidemment. Tes collègues qui sont Kanye West, Jay-Z? Non, pas mes collègues du tout. Mais on respecte artistiquement. Tes collègues de bureau. Voilà, des collègues de bureau. Exactement. Voilà. Donc c'est sur le label Def Jam. Bravo à ceux qui ont envoyé la bonne réponse et qui repartent avec l'album de la Crime. On va mettre un extrait, on l'avait promis, le morceau avec Lil Durk. Logique. On fait pas ça? Ouais. Belek à la prod? Belek à la prod. C'est parti. Casse le dos, frère. Ça fait une semaine, je répète ça, putain. T'as pas mal, frère. Parler pour ne rien faire. fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. Balancer un de mes frères. Wesh 9-4, c'est comment, cheville la rue. Tous les villes aux alentours. Wesh Montreuil, bon dîner, ça dit quoi? Marseille, c'est comment les quartiers nord? Hein? Les Baronniers, c'est comment? Castellane, c'est comment la Castellane? Hein? Sparrow, ça dit quoi? Et les frérots, ça dit quoi? Shit, coke, beef, 3 litres de fax et non. Rare. Si j'arrive, tu te feras buter forcément. Il m'en veut car j'ai trouvé la fin. Je dormirai plus jamais sur la paille. Babe, ils ne sont pas à ma taille. Fuck you, câlin, rafale. Pourquoi faire de la taille? Cette année, on verra bien qui est le meilleur. Je suis de mauvaise humeur ce matin, je lui ai mis derrière. La devise ne va bien, gros. Pour rien. Alors ferme ton claque merde. Parle pas pour rien faire. Parler pour ne rien faire. On fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. Balancer un de mes frères. Ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope. Ça dit quoi, Toulouse? Alain Bagdad. On s'y est ou pas? Hein? Chirac. Nigga be talking about killers. Let's get it. Get it. Only fuck with my killers. Squad. We don't fuck with these niggas. No. Fuck nigga better keep they distance. Corleone dans les bacs. One time we popping out. Ain't no shooting from a cotton nigga. Phone them hopping out. Let's get the shit. We the shit. Movie club. Shoot a script. Gang shit. Niggas wanting that fake shit. C'est ceux qui soutiennent. A tous mes proches, toute ma famille. We real next. Et tous les vrais. Rien. On fait pas ça, gros, jamais. Cause I can't trust these niggas. Quand même, tu sais. No. On fait pas ça. Se coucher dans une affaire. On fait pas ça. Balancer un de mes frères. Ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Alors, faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Wesh Yepta, c'est comment Yepta? En pépélance. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'la paix. Profond dans ses fesses. 2h du mat, j'fais un bain de minuit noyé dans l'ivresse. Pas besoin de sucer pour me faire des amis. Ils parlent de mourir, j'sais qu'ils aiment trop la vie. Oui, j'veux faire des gros sous, car c'est loin d'ici. Dealer, ça brise, c'est 4 pour mes ennemis. Cheville la rue, 9-4 gros. Là d'où je viens, petit bâche en direct. J'en mets petit bâche, les Marocains. Lui en direct, frère. Bâtiment B, bâtiment A, bâtiment C. Ré. Momo Kung Fu. Bambou. Wabilna, Ré. Yas. On dit quoi? Wexap. On fait pas ça avec Lil Durk à l'instant. Et à la prod Belek. Voilà. Bon bien. Une boucherie. Fier du frangin ou quoi quand? Bah ouais. Tu sens il est sur tes côtes? Sur ouais, la prod? Ouais. Non, ça fait plaisir. Bah ouais. C'est mortel. C'est. Tu sais, le kiff de la famille, c'est un kiff encore plus kiffant quand les compétences elles sont là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc. Moi ce que je kiffe, moi je vais te couper. Moi ce que je kiffe, c'est. Tu vois, par exemple, les deux ils sont dans le même truc, tu vois. Ouais. Et je vois les yeux à Belek quand par exemple il y a une prod qui arrive, tu vois, de corps. Je vois les yeux à Belek, tu vois, il s'illumine, il est content. Tu vois, c'est dire, ils voient, c'est ce qu'on prenne entre eux. Moi, je sais pas c'est quoi les trucs que t'as mis à ce moment-là et tout. Et corps pareil, tu vois. Quand il y a une prod, elle est faite, tu vois. Après, c'est. Je sais pas entre eux comment ça se passe, ils se le disent ou pas. Mais moi, je le vois, tu vois. On va leur demander, vous. Ça se voit que, ça se voit que, tu sais, il y a un respect de ouf, tu vois, dans le truc. Et ça se voit que l'un est sûr de l'autre. Et pareil pour eux, tu vois, je le sais. Tu vois, c'est bien. Alors, vous le dites ou pas? Vous êtes. Non, en fait, le truc, non, c'est pas ça. C'est que je pense que. On écoute beaucoup de sons. Tu vois, on écoute énormément de sons, on décortique tout ce qui se passe. Et je pense que de ma génération, parce que je suis le plus âgé. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le font aujourd'hui et c'est dommage parce qu'on est censé ramener des trucs frais, des trucs nouveaux. Non, et puis en plus je pense que alors que ce soit pour le coup Belek comme toi, vous êtes ouvert. C'est vrai que on a beaucoup parlé des projets rail qu'il y a pu avoir, le fameux Ryan B qui a été lancé à l'époque. Même ça, je voulais en parler de ça vite fait, tu sais, par rapport à Ryan B. Ryan B, tu sais, j'en suis plus que fier. C'est un truc qu'on a démarré comme ça, le 1, le 2, le 3, le 4, et que c'était juste en fait un projet où moi je me sentais de représenter mes origines. Mais le rap, ça a toujours été notre truc, gros. Moi j'écoute plus de rap que de rap. Mais sauf que ça, personne ne le savait. Tu vois. Non, mais quand je dis ouvert, mais toi. Et là aujourd'hui, la crime, c'est le vrai combat. Tout le monde sait, poto. Non, mais par exemple, Belek, je sais que t'avais un projet aussi électro à une époque. Enfin, voilà. Il n'y a pas de frontières. C'est pas, voilà. Il n'y a pas de frontières. Quand t'es de la musique, il n'y a pas de frontières pour la musique. Je dis ça parce que c'est important ce que tu dis. Parce que ce projet-là, si tu veux, c'est le début d'un truc où, tu sais, les gens. Qui capte un petit peu, tu sais, au niveau du son, ça se passe. Voilà. Ça se passe chez nous, gros. Voilà. Ça se passe chez nous. En termes de sonorité, de tout. En vrai, il l'a déjà fait depuis, tu vois, il t'a dit 5 ans. Ça veut dire qu'il l'a déjà fait, bien sûr. Mais ici, il a jamais mis ça au service de quelqu'un. T'as compris, en vrai. Ouais. Mais en tout cas, je t'ai dit, c'est pour ça que je dis Koba, je rigole avec lui. Je lui dis, putain, qu'est-ce que je kiffe. Tu vois, qu'est-ce que je kiffe. Mais ils vont découvrir, mais c'est avec quoi. Mais c'est, tu vois, qu'est-ce que je kiffe. Parce que personne, tu sais, on en parle souvent avec la crime de ça, c'est que la chance qu'on a dans nos métiers, bon, et c'est le pire truc aussi en même temps, c'est l'amnésie des gens, tu vois. Parce que les gens, ils oublient. Tu vois, ils oublient qu'il y a eu un bâtiment C, qu'il y a eu un commis d'office, qu'il y a eu Taxi 3, qu'il y a eu, tu vois, des patrimoines du ghetto 1, tu vois ce que je veux dire, c'est des projets rap. Ah, c'est des projets en plus qui étaient aussi, c'est vrai, tu parles de bâtiment C. Bâtiment C, la preuve, je l'avais fait sur scène. Qui était sur l'album West Side de Non, de c'était sur Panthéon. Sur Panthéon, pardon, sur Panthéon, l'album de Booba, c'est vrai qu'il y avait déjà une sonorité aussi, qui était avant-gardiste déjà aussi. Et après, le Ryan B, si tu veux, pour moi, c'est comme un hispanique aux États-Unis qui va faire du reggaeton. Qui se dit tiens, je vais représenter mes origines. C'est une parenthèse respective dans la carrière de chacun. Après moi, le fait qu'on nous affilie à ça, c'est bien sûr on en est fier, tu vois. On en est très très fier. Mais le Pora, c'est chez nous. Mais une dernière parenthèse, après le rap, moi je respecte tout ce que t'as fait, mais aujourd'hui on est en 2014. Ouais. Les sonorités, poto, il est trop en avance. T'as compris, c'est ça que moi. Voilà. Bah, c'est ça que tu cherchais aussi sur cette crime, ce qu'il a ramené. Dirk, il a écouté, il est tombé par terre. Tu vois. Et pourtant, Leader, c'est ce qu'on disait, hein, c'est un des mecs les plus chauds actuellement aux États-Unis, c'est un mec qui vient de Chicago. Attends, j'ai même une vidéo. Attends, je crois que je l'ai là. J'ai une vidéo où Dirk qui est. Je te la montrerai après, Momo. C'est vrai que j'ai une vidéo où Dirk qui parle et tout. Il dit, mais il a pas. C'est quoi? Il a pas dit Belek. J'étais avec Billy Blue, c'était très. Il a dit quoi? Il a dit Momo. Il a dit Momo. I need more shit, Momo. Okay, j'ai la vidéo, okay, je l'ai pas ça. T'envoyer ça, ma gueule. Bon, pendant que vous transférez les vidéos, on va accueillir Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va quoi? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille, la crime, ça va quoi? La crime. Ça va ou quoi, Yanis? Ça va et toi? Tranquille, mon pote? Ouais, lourd le projet, lourd. Merci beaucoup, ma gueule. Merci. Okay, tu viens d'où, Yanis? Sartrouville. Ah, 7-8, ma gueule, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bon, toi, tu viens pour freestyler. Je rappelle que pour tous les freestyleurs, Yanis, toi, t'es un fidèle de l'émission, tu connais? Ouais, je connais. Il y a une nouvelle, pour cette nouvelle saison, il y a une petite épreuve supplémentaire, puisqu'il faut faire un freestyle. Une 30, concis, rapide, précis, sinon, au bout d'une 30, t'entends ça. Eh ben on y va, c'est parti Yanis. Vas-y, c'est parti. Session freestyle par téléphone. Ok. Corleone. La crime. Aïe, Yanis. Frère de l'ombre. Ok. Pour Kadabra. Bleh. Ok. Sartrouville. Club Crew. Corps. Un. Ok. C'est un plaisir. Allô, ça. Un. Check. Ok, je rappe très vite, mais je rappe terrible. J'attaque ta meuf, ma John Terry. J'attaque la musique comme une bactérie. MC la CME, si tu bactéries, moi qui pète ta vite. Tupac, qu'est-ce qui t'arrive, c'est tout pâle, même dans les zones arides. Moi je suis tout pas gros débit, toi rapide, toi t'es tout nazi, grec, NIS, c'est nos places, mec. Pas par religion, si tu blasphèmes, faire un vite avec toi. La flemme, si tu sais pas quoi dire, la ferme, on est quitte. Dans ce cas-là, on s'évite. Dolce Gabbana, Italie, quand je t'appelle, t'es pas là, maintenant fais ta vie. T'as mes origines. Des Z, des nulle part, on t'entend plus. Tomber des paumés, des airs, et t'es fier de toi, fils de. Si t'as pas l'oseille, tu perds. Spa, gros, tu vends tes disques à baisse. Bar, négro, j'assassine quand je débarque. Démage accélère avant le départ. Des débats, que de la cocaïne. Ouais, sur mon bureau, je percute tous les M. Tu passes sans faire du rap sale. C'est mon boulot, ok, j'ai enculé toi à game. T'as pété, toi, et ta team, j'assassine. Je veux pas qu'aime pas son numéro. Non, négro, je veux la baiser tout de suite. Biatch. Ah bah voilà. Rapide, court, efficace, Yanis. Trop fort. Bravo Yanis. Merci, moi c'est chanté. Voilà. Petit message à passer, petite dédicace, on te retrouve sur le net ouais, aussi. Ouais, mon Twitter c'est YanisF2L. Ouais. Voilà, Facebook Yanis de l'ombre. Ouais. Il y a un très gros projet qui va sortir en courant 2015. Qui est Rictus volume 2. Je prépare aussi un très gros son qui est prévu pour mi-octobre, fin octobre. Okay. Qui s'appelle Liste Erreur, qui sera en featuring avec pour Kadabra. Ok. Et voilà, petite dédicace. Bah vas-y, on t'écoute, Yanis. Gros big up à pour Kadabra, qui est ici présent avec moi. Okay, les frères, le frère de l'ombre Amir, la Flemme Crew. Allez, Pécho Corleone, il est très lourd, la famille. Gros big up à Tony et Mani, c'est qu'elles se reconnaîtront. Il est très cool. Et gros big up à ceux qui soutiennent. Très. Merci à toi, Yanis. Merci Yanis. Bon courage. Merci, mon frère. Passe une bonne soirée avec nous, avec le Planète Rap consacré à la crime. On va mettre un morceau maintenant, le Pocket Coffee. Allez. Pocket Coffee, c'est extrait de l'album Corleone. Pocket Coffee, quoi. Big up à tous les Algériens, bien sûr. Je rêve de tranquillité, de millions de dollars. Genre du placard, demain matin je vais me faire sucer dans un sauna. Je suis un homme, faut qu'on se dise. Je pourrais te faire des trucs de malade. Peut-être que t'as vendu quelques disques. Parce bien que sûr. Papa n'était pas là. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Je fais partie des anciens routards. 60 jours avant que n'arrive l'euro, j'avais déjà 10 bars en moutarde. Jamais connu la puberté. 11 ans, j'irais de gros staff. 17 ans, raté le million. Le juge m'a privé de liberté. Déjà, c'est vrai dès la portée. On fait l'amour avec la meurté. Je rentrais dans le cul de la France. Ça n'est qu'une histoire de fierté. Ce que j'ai fait, je regrette pour qu'une seule raison. Parce que ma mère a pleuré. Je m'en bats les couilles, c'est pas ma faute. Tu fais ton taf de banquier rappeuré. Tu rêvais d'avoir un bâton. Tu n'as même pas eu la voilette. Ma mère m'a dit, t'as pris des millions. Que ta chie est dans les toilettes. Des mecs comme moi dans le rap, y'en a peu. Mais dans les cités, y'en a des milliers. Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'ai connu Marbella, Tom la fin fait là, Tom la fin. J'en prenais des kilos de pire quand tu n'étais jamais là. J'ai connu l'art de vivre. La crime dans ta voiture, compteur bloqué, minimum à 2-10. J'suis bourré, j'pense à mes frères. J'ai laissé dans la promenade. Ils ont trop la dalle et peut-être beaucoup de gens à tuer. Beaucoup de gens à tuer. On veut pas être adulé. Nous ne sommes pas dans un film. T'as un arme à tuer. Cinquantaine de loyers. C'est le tarot d'un soldat pour foudroyer. J'ai l'alibi, me voilà nettoyé. J'pas les tuer tranquille. Sur la tête de mon fiston. Quand je vais chez le Vito, c'est pour lui, pas pour des putes. Je prendrai même du vison. Je pense à lui, j'ai des frissons. Lui dans mes bras, un brolique sur moi. Quelle vie nous subissons. Regarde ce système. À quoi il t'amène. Remplis sac de l'OV. Ou bien je te dis que ta mère. Vécu dans les égouts. J'ai ma suite au palace. Ta tête me dit quelque chose. Y'aurait pas ta mère au Dallas. Des cartouches de Famas. Y'en a jusqu'à Damas gros. Mais là je suis dans les îles. Sous un ananas. J'ai connu Marbella. Tombe la fin, fais là. Tombe la fin, fais là. J'en prenais des kilos. Elle est voilà, j'ai écrit voilà, elle est voilà. Tu n'étais jamais là. Tu n'étais jamais là. Tu connais la devise, belé. Oh t'es fou mon gars, voilà, t'es dans ta voiture, ton terre bloqué. Minimum à 2-10. La bagarre, on sait pas faire. Pourquoi se battre? Explique-moi. T'allumer ta mère. Pourquoi se battre? Dédicace à Babou. T'allumer ta mère. On voit Babou, hey. Même Babou il veut même pas. T'allumer ta mère. Même Babou il veut plus. La bagarre, on sait pas faire. On préfère. On veut pas que tu dors, frère. T'allumer ta mère. T'allumer ta mère. Dédicace à Fred, hein. L'album, c'est Corleone. Il est dans les bacs depuis lundi avec ce morceau Pocket Coffee à l'instant, ouais. Sur Skyrock, la crime, notre invité. Ouais, merci. Dans un instant, on va balancer un autre morceau qui est important, ce que tu nous disais pour ouais, toi. Très important. C'est mon frère. Ouais, en vrai, tu vois, je vais faire passer le morceau. En vrai, tu sais, je suis un fou. J'ai pas, tu vois, on va le passer le morceau. Je voulais faire le live, moi. Mmh. Et on va mais le passer comme le ça, les gens, ouais. Ouais. Et puis, il y en a qui ont pas été prendre l'album. Il y en a, ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté ce titre. Donc, faut l'écouter bien. Et toi. Pourquoi alors celui-ci, il est important, ce morceau? Il est très important parce que c'est un thème, tu vois, et je sais qu'il va représenter beaucoup, beaucoup de gens, tu vois, il est très émotionnel. Un peu comme le Oz. Un peu comme le Oz. Dans les réalités de la vie, tu vois. Il est dans la lignée du Oz. Voilà, tu sais, des gens très proches et tu vois, souvent il arrive des tragédies, ça arrive, tu vois. Et voilà. Des gens que tu côtoies, que tu côtoyais. Très réaliste, hein, vraiment, tu vois. Très, très beau morceau, très beau morceau. Et ben, on l'écoute maintenant avant de conclure ce Planète Rap, avant de faire tourner aussi la roulette, inscription 41759. Voici mon Alors, étanche, c'est comment? Ça va quoi, le poteau de Bondineur? Corps à la prod, fusil à lunettes. Une pensée à tous ceux qui sont partis, à tous ceux qui vous manquent. T'étais mon frère, les bons qui perdent, c'est dur, ça fait du mal, mais je dois m'y faire. Soyez fort. Tu vas manquer mon amour, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon amour, parce que c'est la vie. Elle a tes yeux, elle a tes yeux. Tu peux être fier, fier. Je te vois partout, non je veux pas m'y faire. Okay. Tu vas manquer mon amour, je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon amour. Une amitié née d'une enfance difficile. Banlieusard, on a grandi sur un fil. Mais t'étais là pour moi. Moi j'étais là pour toi. Nous étions juste des petits jeunes qui dans le mal ont pris racine. Insolent, on n'a pas rendu un qui. Tu vas me manquer mon ami. Déjeuner fou. On en voulait des sous. Alors on a quitté l'école. On s'inventait nos codes. On voulait partir en vacances avec les meufs les plus bonnes. Et y'a les balles qui résonnent. La crime, on avait peur de personne. La crime, on avait qu'un seul grand frère, c'était le Smith et Wesson. On veut le coffre et la caisse. Du champagne, de la fraise. Molotov dans la tête. Sur le coffre, on encaisse. Refrain. On avait qu'un but, celui de tout baiser. On était dangereux pour la banaliser. T'étais mon frère, frère. Les bons qui perdent, bon qui perdent. Ça fait du mal, ça fait du mal. Je dois m'y faire. Je dois m'y faire. Tu vas manquer mon amour. S'il a traîné avec toi, tu vas manquer mon amour. Partager des bons moments. Elle a tes yeux, elle a tes yeux. Tu peux être fier. Elle était là pour toi. Jusqu'à ça. Non, je vais pas m'y faire. Je vais pas m'y faire. Tu vois toujours son visage. Tu vas manquer mon amour. Je vais pas m'y faire. Tu vas manquer mon amour. Une amitié née d'une enfance difficile. Bon lieuzard, on a grandi sur un fil. Mais ma vie c'est un fil. Moi j'étais là pour. Faut être agile. Nous étions juste des petits jeunes qui dans le mal ont pris racine. Insolent, on n'a pas rendu un kill. On était jeunes et fous. On en voulait des sous. Plus d'oseille. Tu me disais carré mon arrêt, je te répondais plus d'oseille. On va tout perdre, c'est toi qui me disais ça. Ma folie te répondait, ouais, t'as peur de quoi? Poteau, t'es fou, on prend tout maintenant. On s'en bat les couilles, on est dedans. Les anciens, les qui s'amènent, qu'on leur met de balles dans les dents. Je vois la scène avec toi devant, non. Le globe, toi t'es vers l'avant. Non. C'est le pute qui visait la tête, mon calibre travaille en même temps. Non. T'étais mon frère, les bons qui perdent, ça fait du mal, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon amour, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon amour. Elle a tes yeux, tu peux être fier. Je te vois partout, non je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Dans le sky, je verse quelques gouttes par terre. Verse la bouteille. Je pense à toi mon frère. Tous les jours. La fin de ta vie que t'as laissé derrière. On est là. T'inquiète même pas mon frère. Dans la vie, se paye, je vais les laisser par terre. Je leur ferai même la guerre jusqu'en enfer. J'ai plus rien à perdre, cette fois c'est la dernière. Je récupère la bécane que t'avais cachée derrière. Et il déboule en plein jour, sans détour. Le premier direct dans les joues. Les deux disons, je les vise dans le dos. La crue vide le chargeur dans les joues. Alors on fait moins les fous. Dans cette histoire on sera jamais quitte. L'homme que vous avez tué vaut beaucoup plus que toute ton équipe. On est tes frères mais pas ta mère. Religion différente, situation précaire. On a mangé les mêmes guerres, on a partagé les mêmes épreuves. On a vécu les victoires, les défaites et les canivers. Ouais, t'étais mon frère. Les bons qui perdent, ça fait du mal, Moi, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Elle a tes yeux. Tu peux être fier. Je te vois partout. Non, je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami. À tous ceux qui sont partis, tous ceux qui pleurent les morts, c'est difficile, c'est les plus grosses épreuves de la vie. a du mal à surmonter. Courage. Le morceau s'appelle Mon Frère, il est sur l'album Corleone qui est sorti lundi dans les bacs. Ouais. Ouais, c'est un des gros morceaux aussi de l'album celui-ci. Ouais. Toi, c'est, il fait partie de tes préférés en tout cas. À mort. Toi, t'en as aussi ou pas encore Bah, moi, celui-là particulièrement en termes de. En termes de réal, je pense que. En termes de réal, en termes de thème surtout, ouais. Tout ça. T'es... Je sais qu'il était vraiment dans ce morceau-là. Pour te dire, sur tout l'album, c'est le morceau sur lequel on est le plus revenu. Ouais. Mmh. Et à chaque fois, c'est pas moi qui soulignais des détails, tu vois. Et c'était des trucs importants finalement. C'était quoi, au niveau des quoi, paroles, des voix, au niveau des trucs, des pieds, de l'émotion à ce moment-là, même lui sur l'instru de rajouter des trucs ici, pas là, des trucs que je capte pas forcément, comme je t'expliquais. Ouais, bah les parties plus techniques, quoi, les parties. Que moi, voilà, c'est du chinois pour moi. Tu vois. C'est des trucs, tu vois, où le chant et après le rap, l'énergie du rap, tu vois, et revenir sur le chant, après faire un pré-refrain chanté, revenir sur du rap et que chaque partie, si tu veux, répond à l'autre. De la bonne manière, non, franchement, ce morceau-là, pour moi, c'est un. Juste une petite parenthèse. Et en vrai, pour en revenir à l'autotune, tout ça, je pense que c'est le parfait exemple pour dire que si j'avais fait le morceau sans autotune, j'aurais été plat et vraiment triste tout le morceau. T'as vu, à te faire dormir, à te faire, tu vois. Et je pense qu'il y a une réelle émotion quand vraiment je suis triste et quand vraiment j'ai. Tu vois, c'est. Voilà, je trouve le morceau ça, vraiment ça magnifique. Ça apporte un peu plus de piment sur le morceau. Exactement. Toi, c'est des choses, d'ailleurs, tiens, si on se souvient, c'est vrai que toi, t'as pas commencé à rapper à 15-16 piges, donc c'était un Exactement. Peu plus tard. Voilà. C'est des choses techniques au début, quand tu rappais, t'avais pas conscience de tout ça? Ouais, vraiment pas. Jusqu'à il y a pas très longtemps. Ouais. Puis plus j'écoute de musique, comme je t'ai dit, US, tout ça, plus mes influences font dans ça et plus, tu vois, j'ai conscience. Tu vois, j'écoute moi. Je peux, tu vois, la psychologie du mec qui écoute et qui accélère à un moment dans le morceau, il accélère ça. Mais moi, c'est comme ça. Quand j'écoute du rap US, mais voilà, dans un pont, quand le mec il chante, c'est incroyable, tu vois. Donc, toi, c'est des choses, voilà. Bien sûr. On est en France, faut, tu sais, te balader dans le cul, faut arrêter. Tu vois. Ce qui est impressionnant aussi sur la manière dont la crime taf, c'est qu'il emmagasine vite. Mmh. Tu vois, si je prends par exemple le début de l'album où on était là à kiffer sur n'importe quel truc, après ma disquette a passé de moins en moins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où on continuait dans l'album et tout, il y avait des trucs où j'ai tiens, là je pense ça, ouais non, moi là je suis pas sûr, viens on essaye ça. Plus exigeant quoi, plus exigeant. Viens machin et. Voilà, et voilà, c'est un vrai artiste, comme j'ai dit. C'est un vrai Merci artiste. Vraiment. Et bon, on peut le découvrir vraiment, sur cet vraiment. Album qui est dans les bacs depuis lundi. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, est-ce qu'on finit avec quoi? Un bracelet Ouais. Un petit coup de bracelet? On a mis Corleone. Ouais, on a mis Corleone. On a mis Corleone. Ouais, bracelet. On peut mettre mon Glock aussi si tu veux. On met bracelet. Bracelet. Ouais, c'est le morceau du moment. Allez, c'est bracelet maintenant sur Skyrock La Crime. Bombe atomique, un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin, je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi avec Félix et Zo, faire sauter le bus. Dehors, ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, j'ai la Miami sur un jet ski sans débardeur. Le thème c'est, si t'aimes, je vais te faire. La crème n'est pas faite pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour le fils de pute, elle est donneur de go. Je pense à mes rôles, toujours en cash. C'est beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on est que les barrages. Ton pote le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, un bon massage à bord de la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est fait 12, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma piscine. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. J'compte à des vrais tueurs, quand même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Poto à 23h, j'bois du champagne. Foie gras, pas de Springles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calé, on est là, j'oublie la rue, sors bien. Parle toujours de moi comme pour Carlos. Ah, la sorcelle. Poto, pas moi, j'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cet allon, je l'ai démonté. J'suis parti pour tout baiser. Des chartes, des chiffres jusqu'à tes WC. Dans la rue, sur mes couilles, que j'ai tout misé. Comme Kala, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, j'suis stepi. De toutes tes couleurs, sont mes yébis. De toutes tes couleurs, sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. Bah tu saisis, nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter, y'a mon album qui va sortir. Madame Echo, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on le plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, et je changerai pas. Et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas, et je changerai pas. Ouais, dédicace à tous les potos, on est j'ai un million de potos. Si je vous oublie, voilà les cœurs. À tous ceux qui soutiennent, parce que je sais que c'est un truc de fou. Putain. Putain, vous l'avez fait cet album. Il est dans les bacs depuis lundi, 1er septembre, mais il y a ce morceau Bracelet qu'on écoutait à l'instant avec la crime. Avant de se dire au revoir, on va faire tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le concert des deux méga stars US, Jay-Z, Beyoncé, Stade de France. Manon de Dammartin-Angouel, ça va bien Manon? Oui, ça va, super. Ben, je te présente la crime, c'est notre invité toute la semaine Manon. Il salut. Est là. Salut Manon. Il va te porter chance, j'espère Manon. Peut-être Jay-Z, Beyoncé. J'espère. En concert, c'est parti, on y va. C'est les 12 et 13 septembre. Dès que tu veux, tu dis stop Manon. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, c'est fait. 12 et 13 septembre, une des deux dates, tu y seras au Stade de France, c'est pour toi. Ah, super, merci. Il y a deux places, le concert événement à ne pas louper avec Jay-Z et Beyoncé sur scène. C'est deux places pour toi, Manon. Bah, c'est bien, je suis content pour toi, Manon. Je suis trop contente. Eh ben, te fais plein de bisous, passe une bonne soirée, Manon. Merci, bisous à tout le monde. Ciao, merci la crime pour cette soirée. Merci à toi, Fred. Demain, de retour, juste avant 20h et jusqu'à 21h. Merci à ton public, à tous les auditeurs de Skyrock, à tous ceux qui soutiennent, parce que je sais qu'il y a un engouement et que j'ai un public qui est là, et c'est des vrais. Ça me fait plaisir. Merci à Corey Bellec qui était là aussi ce soir, qui repasseront peut-être d'ici la fin de semaine. Et puis nous, on se retrouve demain. Il y a pas Binge aussi. Et Binge qui est dans le coin. Greg qui est dans le coin. Alex qui est dans le coin. Tout le monde. Tout le monde a fait le taf, ma gueule. Et on se retrouve demain. Et là, il est grand temps de retrouver maintenant la radio libre de Difool. Toute l'équipe, c'est parti. Mais ouais, toute l'équipe ciao. Est là. Ciao. Bonsoir tout le monde. Salut la crime. Salut Fredo. Demain, 20h, 21h. Planète Rap, à pas louper. Comme tous les soirs, hein, vous restez bien dans le coin. Là, c'est la radio libre qui démarre. Vous tous, vous toutes, en direct. Et un gros, gros soir. Retrouvez maintenant le son d'Eminem. Eminem et Sia. Vous savez que c'est une exclue mondiale qu'on vous a passé en premier sur Skyrock. On vous fait découvrir l'album de la crime toute la semaine. On vous fait découvrir le premier extrait du nouveau truc qui va sortir avec Eminem d'ici la fin de l'année, mais on en reparlera. Et puis tiens, on va vous demander la note pour Eminem, parce que j'aime bien savoir ce que vous pensez des sons qu'on vous passe sur On va mettre des notes. Oui, on va faire comme les profs. Les profs. Allez, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Bonjour à Yoshita d'ailleurs qui est là, El Sharaoui qui vient d'arriver. Bah tiens, laissez-nous vos messages sur le 41759, sur le skyrock.fm, sur les applis Skyrock, et donnez-nous la note pour Eminem et Sia. Une note entre 0 et 20. Plus c'est 20, plus vous aimez. Ouais, c'est ça. Plus c'est 0. Bon le 20. Moins vous aimez, Marie, bon le vin. Bon, bienvenue. Pas tout à fait ça, mais on va t'expliquer, va. On va t'expliquer. Ah oui, ben merci. 31 sur 20, la première note de Kinosis. Attendez de l'écouter, on se le passe dans un instant sur Skyrock, dans une minute, c'est parti. Eminem, Essia et la radio libre en direct. Jay-Z and Beyoncé.